ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, vous êtes sur le 93.6 Radio Béton et donc vous êtes sur l'émission Mon Labrador et moi, une histoire d'amour. non, c'est vous êtes c'est libre ce soir. Voilà, c'était une blague pour se mettre en forme pour démarrer l'émission, hein, parce qu'on a mangé trop de cacahuètes, on est un peu mou. C'est bien Vous êtes libre ce soir, l'émission de la culture libre et du logiciel libre. Et aujourd'hui, ben, en fanfare, on va parler de jeux vidéo. Voilà, de jeux vidéo libres, bien sûr. Alors, au passage, on n'est pas des grands professionnels des jeux vidéo. On n'est pas les plus grands joueurs qui existent. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour venir un jour participer à l'émission, nous présenter un jeu libre, voire même un autre logiciel, voire même ils sont impliqués dans le libre parce que ils font des œuvres libres, c'est un groupe de musique, ou même les problématiques les intéressent, les problématiques sur le droit d'auteur, la façon dont le copyright est géré. Eh ben, ils sont les bienvenus, ils peuvent nous écrire un petit mot sur le blog www.velcs.info et on les accueillera avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec les jeux libres. Emmanuel, quelques mots sur pourquoi, comment, est-ce que ça marche bien? D'abord, petit avertissement, avec des jeux libres, il faut pas trop s'attendre à trouver des super productions comme on nous en vend en général. Sachant qu'en fait, des jeux libres, hein, c'est presque exclusivement l'œuvre de bénévoles. Alors, des bénévoles, il y en a qui sont tout feu tout flamme, qui partent à une bande de copains, qui parfois arrivent à monter un projet assez large, avec des centaines de contributeurs, ça dure des années. Et parfois, des fois, ça se plante un peu, ça s'essouffle. Il y a un peu de tout ça dans les jeux libres. Mais en tout cas, contrairement à d'autres types de logiciels libres où là on peut dégager un vrai modèle économique et avoir une certaine rentabilité qui permet de payer des gens vraiment à travailler sur ces outils-là, on est malheureusement... ouais, j'avale une cacahuète de travers. On est malheureusement trop sur du bénévolat. Voilà, il y a pas des gros studios énormes qui font du jeu libre, bien sûr, c'est pas comme dans le système commercial, alors que pour tout ce qui est service aux entreprises, enfin création de logiciels comme OpenOffice ou quoi, là il y a de l'activité économique qui peut être faite même si ça reste du logiciel libre. Donc ouais. D'ailleurs, récemment il y a eu une statistique qui est parue sur le noyau Linux. Et en fait, 75% des contributeurs de ce logiciel libre, qui est bien connu, sont payés pour le faire. Donc c'est donc que ça rapporte et qu'on peut en vivre. Les jeux, c'est un peu différent. Les jeux, c'est une affaire de passionnés, donc il y a des très très bons jeux aussi, mais peut-être qu'il faut moins regarder l'aspect graphique, faut regarder le concept, ou alors ça peut être aussi des fois des nostalgiques d'un jeu qui a existé, enfin... Souvent, c'est pas les plus beaux graphismes de l'année, etc. Mais ça peut être très très sympa, histoire de bien s'amuser entre potes, quoi. Souvent, c'est des trucs comme ça, en fait, les jeux libres. Ouais. Alors, on va en citer quelques-uns. D'abord, je tiens à préciser que malheureusement, je ne pourrais pas citer NetHack, qui, à mon avis, est le meilleur jeu qui existe. Mais très peu de personnes en sont convaincues, même si je crois que c'est la vérité. Mais dans ma vie, j'ai rencontré une seule personne qui jouait, qui était... on va parler de jeux qui sont accessibles à tous, aux êtres humains en l'occurrence. Alors vous aurez compris que le jeu préféré d'Emmanuel, c'est NetHack, mais c'est un petit genre, si vous voulez regarder, vous pouvez, mais faut être un peu bidouilleur, enfin faut aimer le concept. Nous, on va vous parler de jeux qui sont un peu plus accessibles quand même, en particulier dans les concepts originaux, on en a noté deux sympas. Il y a Neverball. Alors Neverball, en fait, c'est un jeu dans lequel on est une boule à peu près. Ou alors on est le plateau qui permet de déplacer la boule. On utilise les quatre touches du clavier, haut, bas, côté gauche, côté droit. Et en fait, ça permet de faire pivoter le plateau. Et en fait, ça l'incline et après on peut déplacer la boule. Et bien sûr, c'est un jeu où il y a des obstacles, etc. Faut pas tomber dans les trous, tout ça. Et c'est assez sympa à jouer. C'est un petit jeu tranquille, quoi, mais qui est joli avec de la 3D correcte. Et voilà. Voilà, ça rappelle un petit peu les jeux d'adresse qu'on avait avec une bille sur un plateau, physiquement. C'est ça. Après, un deuxième petit jeu très très sympa, Extreme Tux Racer, avec un nom pareil. Alors, ce jeu, c'est quoi ? C'est un pingouin, bien sûr. Il s'appelle Tux, n'est-ce pas ? Hein ? Je connais pas celui-là. Tu le connais pas, ce jeu ? Non, pas le pingouin, je veux dire. C'est un inconnu, celui-là. Hein. Alors, le pingouin de Extreme Tux Racer, c'est un pingouin qui fait la course, en fait. Il se met sur le ventre et il descend la montagne à toute vitesse. Et donc, faut le contrôler, faut faire le meilleur temps possible. Et bien sûr, c'est très réaliste. Attraper les petits poissons. Voilà, il y a des petits poissons qui se baladent et le but, c'est de les attraper. Et donc faut, voilà, c'est un peu un jeu de course et d'adresse où faut éviter les zones glissantes et réussir à choper les poissons, quoi. Ouais. Et ce jeu, faut quand même le dire, il est de très bonne facture. Graphiquement, je dirais que c'est un des meilleurs jeux libres que je connaisse. Voilà, alors avant de continuer de voir d'autres jeux libres qui existent, on va vous passer un petit morceau de musique. On va passer une musique de jeu vidéo, ou plutôt une musique faite avec une console de jeu vidéo. Voilà, en fait, c'est un mec qui est très très fort, qui a pris des sons un peu sample, style c'est ma Game Boy et tout, et qu'on a fait de la musique en rajoutant de la voix par-dessus, je crois, et qui est vraiment super super doué, et ça rend quelque chose de très écouté, qui marche bien. Ça s'appelle Pornophonique, voilà, avec un nom pareil, hein. Et oui, bien trouvé. Et la musique, c'est un nom très long. Take me to the bonus level because I need an extra life. Je pense qu'on sait où on est là. Ouais. Voilà, donc de retour sur Vous êtes libre ce soir, l'émission aujourd'hui consacrée aux jeux vidéo libres. Alors vous avez entendu cet élégant morceau de... voilà, j'ai oublié le nom, Pornophonique. Voilà, Pornophonique avec une licence Creative Commons by ND. NCND, voilà. Alors maintenant, le jeu suivant dont on va parler, c'est Battle for Westnode. Je dirais que c'est un de mes préférés, et c'est en même temps un projet qui a très très bien marché. Parce que actuellement, il y a une bonne centaine de contributeurs qui en même temps crée pas mal de campagnes, de cartes. Mais d'abord, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, dans un univers médiéval fantastique. Disons, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, sachant qu'il n'y a pas de... Mais le fait que ça soit tour par tour, ça a quand même son intérêt, parce qu'on a le temps de réfléchir. On réfléchit un peu plus par rapport aux règles du jeu, qui sont à la base assez simples. Mais c'est là tout l'intérêt du jeu, d'être à la fois simple pour le débutant, mais... et un peu plus compliqué pour le connaisseur. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui marche très bien. Ça fait plusieurs années que je suis ce projet-là. Et à chaque nouvelle version, il y a des petites évolutions, il y a des nouvelles campagnes qui sont intégrées, et surtout au niveau des graphismes, c'est toujours un plaisir de les voir évoluer, et franchement, c'est quelque chose d'assez beau, même si le concept à la base, c'est quand même ça. Voilà, moi j'avais jamais joué à ça, c'est Emmanuel qui connaît, moi j'ai juste vu la tête que ça a, et c'est vrai que c'est assez joli, c'est assez sympa. Bon, ça reste simple, mais en joli. Si je passerai quand même, pour ceux qui sont un peu habitués aux jeux de stratégie, c'est un jeu où il y a des missions particulières à faire, c'est pas un mode random où on crée son monde et tout, c'est des missions bien définies à l'avance. Alors, dans les jeux autres, alors on a quelques jeux d'arcade, alors on va peut-être pas traîner beaucoup dessus, même s'ils sont sympas. Wormux, alors pour ceux qui auront connu, comment ça s'appelait Worms. Worms, voilà. Et ben c'est dans le même esprit, c'est-à-dire c'est complètement foufou. Worms, c'était des petits vers qui se tiraient dessus à coups de bazooka, ouais. Dans un monde qui se détruisait au fur et à mesure, donc c'était assez marrant parce que ça creusait des trous énormes, etc. Et Wormux, c'est pareil, on remplace les petits vers par d'autres petits personnages qui sont issus du monde genre, libre. Des pingouins, des gnous... Des oiseaux, des renards, des choses qu'on veut. Des choses comme ça. Ouais. Et c'est très marrant, il y a différentes armes et c'est vraiment le jeu fun qui se prend pas au sérieux et qui est bien sympa, qui est bien fait. Alors pour ceux qui veulent retrouver aussi les vieilles sensations de Super Mario. Oui, il y en a beaucoup qui ont joué sur leur Game Boy à Super Mario. Et après, ils se sont dit, oh, ça me manque tout ça, je vais développer mon propre jeu qui sera pareil. Ils ont créé Super Tux. Alors, c'est pareil, on manie un petit pingouin dans des niveaux à la Super Mario, avec on retrouve les tortues, tout ça. C'est assez marrant. Et on a un nouveau projet aussi que je connaissais pas non plus, qui s'appelle Secret Mario Chronicle. Alors, je suis pas un pro de l'anglais, hein, ça doit se voir. Ou SMC, si vous voulez retrouver ça plus facilement par Google. SMC qui ouais. Est dans... Hein, donc ça s'entend au nom, hein, aussi un remake de Super Mario, mais qui lui a vraiment un gros point, c'est qu'il a des graphismes qui sont visiblement super jolis. Voilà. Le personnage fait un peu manga. Enfin, moi j'y ai pas joué non plus, mais là je vois les dessins qui ont été pris, les images du jeu, et ça a l'air joli, vraiment... un petit peu manga, un petit peu flashy à la Mario, avec du pixel art un peu dans l'esprit aussi, du pixel art. Voilà, et on a aussi des très bons Quake-like en libre, en particulier c'est quasiment les seuls jeux libres qu'ont des moteurs 3D corrects. Alors ça d'abord, c'est quoi un Quake-like déjà? Tu peux me rappeler? Un Quake-like, alors en gros, c'est un jeu sanglant. Ouais. Où on a une vue où on est le joueur, on voit que son arme à peu près, et le but c'est de tirer sur les autres, je crois, hein. Ouais. Si je ne me trompe pas trop. Et voilà, alors c'est très arcade aussi, c'est des déplacements en général très nerveux. Très nerveux, des bonds dans tous les sens, etc. Et ça, en jeu libre, ça a bien marché parce qu'en fait, il y a un moteur 3D qui a été libéré tôt. C'était le moteur 3D de Quake. Et donc, ça donnait une base pour développer des jeux de ce type qui étaient de très bonne qualité. Ouais, donc c'est pas trop dur. Et à ce jour, je crois qu'on compte au moins une bonne dizaine de jeux libres basés sur ce moteur. Et il y a vraiment le choix, il y a vraiment aussi les graphismes qui vont bien. Alors, s'il y en a qui veulent tester, nous on en a retenu deux en tête, mais à Nexuiz, NEXUIZ, facile à dire, hein. Et puis un autre qui est plus facile, Open Arena. Ok, alors on va finir en beauté, enfin en beauté, en tout cas sur un projet prometteur. C'est-à-dire que c'est pas encore très très abouti, mais il y a vraiment de quoi espérer un bon jeu. Ça s'appelle Speed Dream, et oui, on n'a pas encore parlé de jeux de voiture, il en existe, moi à l'heure actuelle je trouve qu'il n'existe pas de jeu vraiment jouable en jeu de voiture, et celui-là c'est un bon début, sachant que c'est libre, ça ne peut que s'améliorer et, au fur et à mesure du développement, et il commence à devenir jouable, on pilote la voiture, tout ça, les graphismes commencent à être assez corrects, la maniabilité et tout, ça devient bien sympa. Il y a même une intelligence artificielle qui est très crédible. Qui est très crédible. Et puis je crois qu'il y a environ une trentaine de circuits et autant de modèles de voitures différents. Donc il y a de quoi s'amuser et surtout ne pas trop s'ennuyer avec Split Dreams. Voilà, il y a différentes catégories de voitures. Alors si je dis pas trop de bêtises, tous ces jeux ils se jouent sous Linux et sous Windows. Et sous Mac en général aussi. Voilà. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, parce que là on a balayé large, il y a un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Jeux Libres. Je sais pas si c'est .org, .fr. Jeux Libres.net. Voilà, je me suis fait avoir encore. Voilà, Jeux Libres au pluriel et d'un seul mot. Voilà. Ouais, ça prend un X hein, au pluriel pour oui. Ceux qui sont pas bons en orthographe. Hein. Bon. Alors donc jeulibre.net. Bon bah je crois que sur cette note orthographique on va rendre l'antenne comme on dit hein. Voilà donc bonne journée et puis à bientôt sur Radio Béton.